pause, la musique grésille agréablement. En effet, vous êtes bien sur Campus 106,6. Ouais, ça continue de grésiller là. Ouais. Bon, ben on va voir si ça continue comme ça. Ben, faudra arrêter l'émission. Ou alors on passe une émission en grésillant, puis c'est rien, on rattrapera dans le podcast. De toute façon, maintenant tout le monde écoute en podcast. Hein. Voilà. Donc c'est Pyongyang City Rockers qui commence. Ce soir, c'est le numéro 327. 27, je crois, oui, ouais. Bravo, merci Célia, tu es là. J'ai noté pour une. Il y a Jamo qui est arrivé aussi. Ouais. Alors, t'as ramené quelque chose ce coup-ci? Il me regarde. Bon, bah, c'est tout. Je dis plus rien. Et puis, alors, on a une invitée que j'ai forcé quasiment le couteau sous la gorge à venir. C'est vrai, hein, je t'ai quand même harcelé, quoi. Non, ça va. Entre le concert l'autre fois et puis. Et puis ce matin, que je t'ai embêté sur. En Messenger. Et donc, c'est Hélène qui est là et puis on va parler avec elle de choses et d'autres. De sa vie qui actuellement repart dans la confection de fanzines après une interruption d'une quinzaine d'années, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà. On peut dire déjà comment s'appelle ton zine ? Perspective. Ouais, c'est bien comme nom ça. Bah écoute, c'est une chanson d'In My Eyes que je t'ai mise sur si jamais d'accord. Tu veux la mettre. Bah écoute, ouais, en plus t'as ramené de la musique, c'est vachement bien. Dis donc, on n'a plus grand chose à foutre, on va pouvoir te laisser peinard, là, on tourne le micro et puis après on va boire un coup, puis on revient à 21h. Pas de problème. Vous êtes bien sûr Campus ? Non, bien sûr, vous allez entendre nos douces voix dire des conneries et puis aussi des fois annoncer de la zik. Pour l'instant, ce que je vous annonce, c'est du plus pur 77. C'est sorti le 25 juillet 77. Nosebleeds avec un chanteur qui s'appelait Ed Banger, comme le label d'Electro là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ouais, voilà. Mais lui c'était le vrai Ed Banger. Voilà. Ouais. Et alors d'ailleurs quand il a quitté les Nosebleeds, il a été remplacé par un type du nom de Morrissey, qui quelques années plus tard a créé les Smiths. Et puis lui, Ed Banger, est parti ensuite jouer avec Slaughter and the Dogs. Bon, petit groupe aussi. Quant au guitariste Vinnie Reilly, ensuite il est parti pour fonder Duruti Column, qui eux étaient plutôt dans une veine post-punk, on va dire. Voilà. Bref, tout ça, ça manchesterise à donf. Oui, ils sont de Manchester, c'est les Nosebleeds. Attends, où est-ce qu'ils sont? Ouais, Nosebleeds avec qui disent qu'ils sont pas allés à l'école de musique, à quoi ça peut bien servir. Ain't been to no music school. Nosebleeds. We'll be right back. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils font pas. Non, c'est. Arrêtez. Ça n'a pas grésillé, donc c'est déjà bien. Donc je peux faire une merde, hein, quand même. Ce qui est bien, c'est qu'ils font pas de fade out. C'est bien. On peut reprendre la parole directement. Et bah écoute, on va entrer dans le vif du sujet. Hélène, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ouais. Merci, tu m'as pas harcelé, je voulais pas te couper, mais je suis enchantée d'être là. Ici, c'est une émission où on peut couper les gens, c'est même chaudement recommandé, hein, parce que sinon clair. On n'a pas la parole. Sinon, t'attends comme moi et puis tu parles jamais. Alors que là, elle vient de me couper. Ouais, exact. Maintenant, ça va. Alors, perspective, explique-nous tout. C'est d'où ça vient c'est quoi ce nom d'abord pour un zine? Ben, ce nom, ça dit d'après moi. Enfin, d'abord, c'est une chanson de In My Eyes. Je cherchais un nom, un mot, voilà. Elle est là. Et ça m'a parlé puisque c'est, comme tu le disais dans ta description, c'est plutôt un point de vue, le sens que j'y mets. Plus que, bon voilà, c'est peut-être pas le bon mot pour point de vue, néanmoins c'est ça mon intention, quoi. C'est mon point de vue, ma façon de voir certaines choses, ouais. que je mets dedans, hein, que j'y explique. Et ta façon de voir quoi, la culture des cacahuètes en Sologne? Absolument, ouais, c'est non, ça. Enfin, je sais pas. Non, non, mais c'est du coup le ça, punk, ça punk. Voilà, le punk hardcore. Quand ouais. j'ai commencé, c'était plutôt ça d'ailleurs. Enfin, encore que. Mais donc, voilà, en fait, ça tourne quand même plutôt autour de ma vie dans ça. Peut-être un peu égo, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a toujours eu des interviews, sauf dans celui-là. Parce que celui-là, en fait, je l'ai commencé en décembre et je voulais qu'il sorte en janvier pour fêter les 20 ans du premier. Enfin, fêter, en tout cas. Arriver 20 ans tout juste après le premier. D'accord. Donc, j'ai pas pris le temps de mettre d'interview. Et puis, voilà, c'est une remise en jambe, dirons-nous. Ouais, ça, c'est pour ça que fait s'appelle tout à Edmi. Fait. Alors, il s'appelle Edmi parce qu'en fait, j'avais commencé le 8. Donc, le 7 date de 2008. Donc, il y a 15 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'avais commencé le 8 en 2010. J'avais fait pas mal de trucs et en fait, j'ai quasi rien gardé. Donc, c'est un 8,5. C'est un pied dans avant, un pied dans maintenant. Enfin, voilà. Je pouvais pas faire le 9 puisque le 8 n'est pas sorti. Donc, c'est 8,5. Et alors, les choses que tu as sauvées du 8, tu en as supprimé un paquet, c'est ça? Ouais, finalement. Mais t'en as quand même que tu as sauvées, on les aura un jour dans le numéro 9? Non, finalement. Enfin, il n'y a guère que des parties de l'intro, enfin, du premier texte, mais autrement, de fil en aiguille, c'est plutôt des nouveaux trucs finalement. Ouais. Peut-être des sujets que j'avais abordés dans le numéro des CD, mais finalement, voilà, réécrit. Et puis. Et alors, il n'y a jamais aucun. Enfin, il n'y en a jamais eu de traces papier. Non. Non, non. Oui, il faut dire aux gens qui nous écoutent que c'est un fanzine en papier. Ouais, ouais. Voilà. Tout à fait. Fait avec un photocopieur. Absolument. Exclusivement papier. Là, il y en a 70, je compte pas m'emmerder à en refaire, donc voilà. D'accord. Oui, donc t'en as fait que 70? Ouais, bah jusqu'au... Ouais, remarque, le 4, il y en avait eu 150, mais grâce au plan d'un pote qui a décidé, lui, d'en faire 150. Mais autrement, il y en a jamais eu guère que 50, quoi. D'accord, mais ça partait vite. Ouais, mais après, bon, voilà. Et ce numéro de janvier, là, est parti Très, très vite, ouais. J'en ai plus que 6, j'en ai pas encore envoyé à tout le monde, donc je vais voir, je vais peut-être en refaire, je sais pas. Ouais, donc on en parle pas parce que c'est un zine qui est déjà introuvable, mais parce qu'on peut encore le trouver dans certains endroits. On va tout de suite où on peut trouver ce fanzine de perspective numéro 8 et demi. Ici à Lille, j'en ai deux, j'en ai laissé chez Lucane. Et à Louis Pleur, d'accord. Auprès de moi, bien sûr. Et sinon, il y en a à Metz, il y en aura bientôt à Brest, il y en a à Toulouse. Et j'en ai pas encore envoyé à Bordeaux, mais j'ai une petite réserve si jamais, quoi. Ah, ouais, d'accord. Donc, enfin, une petite réserve de 6, hein, voilà. Ah ouais, ok, bon. Donc alors, on parle d'un fanzine qui sera bientôt complètement épuisé et qui deviendra un collector item. Non, mais c'est bon, vraiment, s'il y a de la demande, j'en referai, c'est voilà. Bon, mais je suis déjà sur le 9, donc... Alors, dans le 8,5, là, de quoi ça cause s'il n'y a pas d'interview? Il y a quand même des chroniques de disques Non. Alors, des chroniques, alors, j'en ai jamais fait. Je suis incapable de faire ça. Ah ben, ça, on est deux. ça a toujours été... Je m'y suis essayé au début, alors en anglais, et en sachant pas les faire. Donc, ça devenait du « j'ai acheté ce disque-là à tel endroit ». En fait, je parlais de ma vie, mon œuvre, au concert ou autre. Enfin, voilà. Donc, donc, je me suis dit « j'arrête les chroniques ». Par contre, il y a toujours eu, je sais pas, raconté. C'est plutôt au détour de « je sais pas, j'ai vu tel concert et tel groupe me fait cet effet-là ouais. », mais sans te dire « c'est Larsen machin ». Enfin, tu vois, voilà quoi, c'est pas. Je suis incapable de nommer des styles de musique, enfin, voilà. Bah, tu peux les inventer, non? Je peux les inventer, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est comme sur certains flyers du Pits ou. Ouais, c'est clair. Ouais, punk, c'est... Hein. Après tout, ouais. Ouais. Je pourrais m'essayer à ça, m'y amuser. Ouais. Non, mais néanmoins, enfin, du coup, finalement, c'est plutôt des. Bah. Ce qu'on pourrait appeler, il y a des zines, et notamment, je crois que c'est Maximum Rock'n'Roll qui fait ça, des colonnes. Donc voilà, des textes un peu entre opinion, ou même raconter, je sais pas, une tranche de vie, mais en profiter pour. Ouais, et puis c'est des gens qui racontent en effet leurs pensées, leurs impressions, voilà. leurs émotions. Ouais. Je sais pas, quand ils sont au concert ou quand ils font du jardinage, il y a eu ça. Ouais, carrément. Voilà. Ouais. Donc moi, c'est plutôt axé quand même musique. Tu jardines pas ? Dans le sens. Non, même pas. Mais voilà, c'est axé musique dans ce sens-là, mais c'est raconter une série de concerts, raconter mon avis sur tel truc, avoir envie de, je sais pas, penser. Là, ça m'est pas arrivé comme ça, parce que j'ai donc quand même repris des sujets du 8 Morané. Mais autrement, ça pouvait être, je sais pas, je suis dans le métro, j'assiste à une scène, je pars dans mes pensées, et puis ça me fait un sujet, voilà quoi. Donc des trucs de cet ordre-là, quoi. Ok, bah écoute, on va continuer de parler parce que il y a encore des petites questions à te poser là sur le contenu c'est pas un contenu conventionnel pour un fanzine. Ok. Voilà. Vu qu'on a déjà dit qu'il n'y avait pas d'interview dans ce numéro-ci, certes, et qu'il n'y a pas de chronique. Ouais, c'est vrai que ça fait deux cases cochées. Donc on va voir quelles sont les autres cases cochées. Après avoir passé de la musique quand même, parce que tu nous as ramené un bon paquet, là on est à 58 minutes 41 en tout, donc à mon avis on ne pourra pas tout passer. C'est sûr. Célia a ramené ce que moi j'ai ramené, ce que toi t'as ramené. Ouais. Donc obligation absolue, le premier, Don't Call Me Tonight de Thierry Top, meilleur LP du monde. Pourquoi? De tous les temps. Ah oui, d'accord, okay. Meilleur, pas la meilleure chanson, meilleur LP tout court, mais c'en est la première. Elle chante en même temps. Je l'ai vu. C'était quoi ça? Et elle aérodrome aussi. Ouais. C'était quoi ça? C'était In My Eyes Perspective. Ah d'accord. Le titre éponyme de ton, absolument, de ton zine. Et que c'est pour ça que tu l'as appelé comme ça. Ouais, du coup, ouais. Cause In My Eyes. Ouf, c'est du Youth Crew, alors ah. Non, mais c'est du. Tu vois que tu sais nommer des styles. T'as vu? C'est du Youth Crew, à mon sens, à mes yeux. Jeu de mots, là. À mes yeux, le Youth Crew le plus fin, intelligent, quoi. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas. Tu vois, le Youth Crew, Nike Air, tout ça. Ouais. Et ils n'étaient pas comme ça, et c'était beaucoup plus. Voilà, quoi. Bon, après, je ne dis pas que le reste du Youth Crew est pas malin, hein, évidemment, mais. Non, mais bah, ils causent de. Ils sont à Boston, voilà, ils causent de. Ah. Aussi un petit peu de. Tu vois, backstabbing, c'est quand même les. Comment dire, les thèmes chers au Youth Crew, quoi, tu vois, mon ami, mon crew, tu m'as planté un couteau dans le dos, ouais. Tu m'as trahi, ou bien Unity, tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus fin, quoi, In My Eyes. T'as un tropisme américain ou anglais, toi? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que t'es plus attiré par les groupes américains ou anglais? Ben, finalement. Finalement, peut-être ricain quand même. À mon corps défendant, je dirais, parce que la culture anglaise est, me plaît vachement et tout. Enfin, voilà, mais. Bah, voilà, enfin, ricain étant ce qu'il est, quoi. Mais ouais, finalement, ouais. Ouais, j'écoute vachement plus de ricain. Puis c'est peut-être aussi une question de moment où t'es arrivé dans, ouais, dans je pense. La scène. Ouais, ouais, je tu me vois venir avec le terme la scène. que c'était déjà beaucoup les ricains qui commençaient à tout envahir. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Alors que moi, je viens d'une époque où c'était les Anglais. C'était les Anglais, ouais. Ouais. Exploited, hein, t'as vu. Ouais. Bon, il y avait déjà Dead Kennedys quand même. Ouais. Et alors, ouais, je parlais de scène, là, parce qu'il y a tout un truc sur le fait de parler de scène. C'est un mot que t'aimes pas trop. C'est ça, ouais. Si j'ai bien compris. Ouais. Tu peux dire en deux mots pourquoi, sans dire tout ce qui est écrit dans le zine, parce que évidemment, évidemment. Non, mais bah, je sais pas, c'est un truc, je l'ai beaucoup employé, voilà, c'était comme ça, mais finalement, c'est un terme anglophone, si paricain, pour décrire le milieu, quoi, le monde, le milieu. Pardon, je commence à. Le monde et le milieu musical, quoi, enfin, ouais. De. Et donc, je l'ai beaucoup employé. Puis finalement, je sais pas, c'est peut-être que c'était tellement employé, parfois, dans un sens qui était complètement pas celui que j'y mettais. Enfin, des trucs un petit peu de. Peut-être pas masculino-viriliste, mais tu vois, de se prendre par les épaules et puis se taper dans le dos et puis machin. Enfin, je sais pas trop, il y a un truc où non, en fait, je me suis pas toujours sentie complètement dans ce monde, quoi. Ouais. Enfin, oui, mais en fait, les trucs qui pouvaient m'y énerver ont fait que, ouais, je sais pas, t'aurais dû me dire ta question avant que je m'y prépare. C'est difficile à. Mais je sais pas, ouais, c'est un truc, voilà, crew, tu vois, Unity, machin. Disons que, on en fait partie ou on n'en fait pas partie, quoi. Et, ouais, c'est ouais. Ça. Il y a toujours des moments où on n'a plus trop envie d'en faire partie. Bah, ouais, forcément, ouais. Ouais, et puis sur 20 balais. J'imagine que toi aussi, quoi. Oh, moi, j'ai jamais fait partie de la scène. Ouais, en tout cas, il y a des moments qui t'énervent plus que d'autres, quoi. Enfin, voilà. Tout à fait. Mmh. Ouais, non, puis bon, justement, ces histoires de backstabbing et tout, t'as des gens qui prêchent beaucoup et qui, en fait, pas forcément par derrière, d'ailleurs, mais mènent leur barque d'une certaine manière qui n'est pas forcément celle qui va être favorable à tout le monde. Quoi. Ouais, c'est voilà. Ça, c'est hein, ça. On va dire ça comme et ça. Puis, voilà, après, c'est finalement, ouais, un peu la découverte que des gens ne l'envisageaient pas comme moi. Ouais. Et où, du coup, je voulais pas partager. Du coup, je veux plus parler de. Je veux bien te parler de le punk. Mais pas de la scène, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est plus vaste, le punk. Bah, peut-être ça, pour ça, justement. C'est un peu comme quand Bégodeau parle du punk, ça. Bah, j'aime bien Bégodeau. Ouais, non, mais ouais, moi aussi, hein. Alors là. C'est ma crèmerie, ça. Ouais. Non, mais voilà, comme quand lui parle du punk, c'est vraiment sa façon de voir les choses. Exactement, gens, c'est ça. Et pas du tout d'essayer d'avoir toujours le bon attirail, les bonnes fringues, le bon discours, les mots au bon moment. Tout à fait. Pour déclencher les applaudissements. Voilà. Et c'est con ça, genre, bon, je sais pas si Le 9 est en préparation, voire presque prêt. Ah ouais, carrément. Et je parle de ça, justement. Ouais. Okay. Ouais, je parle exactement de ça. Donc, et alors, tu dis quoi? No spoil, bah, à peu près ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est très bien, d'accord. Bon bah écoute, puisqu'il est déjà 20h24 presque, à l'antenne de campus, encore pouvoir écouter, allez, on va dire deux petits titres de musique que tu nous as préparés. Alors deux. Vu que c'était quand même des trucs assez courts, hein, ce ouais, que tu nous ramènes. Ouais, c'est court. Hein. Attends, deux, c'est j'essaie, pas de la j'essaie de me rappeler. Minutes, hein, tu vois. Qu'est-ce que je t'ai mis Punch CCL l'a déjà passé. Alors on va prendre Limpriest. Ouais, attends, il est où? Ouais, d'accord. Hop, youpi. Je l'ai. Et bah, tu me diras ça. Et Reproach, et Reproach. Ah ouais, bah quand ouais, même. Hein. Scars. Ouais. Ah, mais celui-là, on l'a passé combien de fois ici? Je sais pas, mais 42 secondes, allez. Ouais. 43. Désolé. 43. Donc en tout, vous avez moins de 2 minutes. Ça va être compliqué d'aller boire quand même. Hein. Pour l'instant, voici Limpriest sur Pyongyang Steel Rockers sur campus. Elle me fait tousser. C'était encore l'air batterie, là. Air Drums. Air Drums, ouais. Groupe, tiens, c'est pas un groupe américain, Reproach. Non, c'est des fou. Flamands. Voilà. Ouais, de quoi ça cause Limpriest, là, le I Love Hardcore Boys, I Love Boys Hardcore? Alors, Limpriest, ça veut dire ça. Je peux pas ouais. Le... Et donc, le poignet, voilà. Enfin, bref, c'est un groupe gay, homo. Ouais. Toutes leurs paroles, à peu de choses près, parlent de ça. Et donc, I love hardcore boys, j'aime les boys, enfin les garçons qui sont dans le hardcore. Et I love boys hardcore, j'aime les niquer hardcore. Enfin, hein, je pense que voilà, c'est ouais, ça quoi. Je pense, oui. Hein. C'était important à dire par rapport à ce qu'on a dit avant, quand même. Tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a encore, ouais, dans ton zine aussi, tu fais. Il y a un truc à un moment sur le fait qu'il y a quand même plus de nanas maintenant ouais, dans la fait. Scène, dans ta scène, ce que tu dis, hein, dans ouais, ta scène. Ouais. Mais, enfin, je trouve quand même que c'est encore très, très mec. Enfin, j'ai. Bah, c'est sûr. Vu même avec des yeux de mec. Hein. Mais oui, non, mais évidemment, évidemment. Je décris une évolution, pas une solution, enfin, pas un règlement de problème, quoi, ouais. Tu vois. Mais quand même, vraiment, j'observe un moment dans les concerts hardcore à la, c'était quoi, avant la chimère, avant le melting, avant ça, je sais même plus comment ça s'appelait, mais bref, j'étais toute seule, mais vraiment, quoi. Alors, je sais qu'il y avait des filles à Lille, mais là, j'étais toute seule, quoi, tu vois. Donc, passer de ça à 5-6, à là, quand même, une petite vingtaine, ouais, et puis, c'est une évolution. Et puis t'as donné aussi, je veux dire, t'as été chanteuse dans un groupe. Tout hein? à fait. Alors, faut le dire quand même. Attends, hein. Donc, dans un groupe de hardcore aussi. Voilà. Ouais. Donc, faut le dire. Ouais, ouais. Dis lequel. Dis-le. Operation It Shit. Voilà. Qu'on a déjà passé maintes et maintes fois. Vrai, entre autres, Célia, c'est un de ses tubes, un de ses titres préférés. C'est vrai que j'en passe souvent. Et c'est quoi d'ailleurs ce titre? C'est... I love you too, punk rock. Punk rock, ouais. Sometimes. Sometimes. Pourquoi voilà, sometimes, tu vois, bah, sometimes, ouais. Ce qu'on a dit avant ouais. de passer l'imprise. Ouais. D'accord. Et ça, tout ça se rejoint. Bah, ouais. Bien sûr, ouais. Évidemment. Et, ah. ouais. Et t'en as pas ramené aujourd'hui, Dieu oh, bah non. Bah non. Pourquoi? Bah parce que c'est moi qui. Non, bah, parce que voilà. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu t'accuser de te mettre encore une fois trop en avant. Trop en avant, ouais. Égocentré, ouais. Ouais. Ouais. Bon, pourtant, on ne parle bien que de ce qu'on connaît bien, et voire que de ce qu'on vit. Certes, mais bon, là, c'est quand même une limite un petit peu too much. D'accord. Bon. J'aurais vécu, en tout cas, comme too much. D'accord. Donc, rendez-vous pour... c'est quand? Quand est-ce qu'il sort le numéro 9? Bientôt? Un jour? Bah, ouais, plutôt fin mars, avril, quoi, parce que... Oh. Pour ma part, il est bientôt prêt, mais enfin, je ne suis pas à l'abri d'encore digresser à l'écrit et puis de rajouter des pages, mais... Là, il y aura des interviews et donc voilà, j'attends ça. Tu vas rester au format qui est actuellement, c'est-à-dire A5, ouais, enfin, ouais. 4 pliés en 2, ouais. Ça fait combien, 28 ouais. pages, un truc comme ça. Je n'ai pas de nombre de pages, ouais. Peu importe, ah, mais A5 pliés en 2, c'est bien pratique. Ouais. Ouais. À 4. Enfin... Ah oui, ouais. A5, c'est-à-dire à 4 pliés en 2, autant pour moi. Ah, bref. J'ai envie de le faire beau enfin, quand bref, même. Une trentaine de pages, quoi, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais, ouais, ça sera peut-être même un peu plus, parce que j'ai envie de m'arracher un petit peu quand même. D'accord, on peut déjà dire, enfin, t'as envie de dire déjà qui t'a interviewé? Ou pas? Je m'en fous, mais je sais pas, est-ce que... Bah non, c'est comme tu veux, moi, c'est ton émission. Bah si, pourquoi pas, donc il y a Syndrome 81, Accident, un nouveau groupe de Metz... Et Vincent Émergence, la belle de Rouen. Oh, un vieux de la vieille. Ouais. D'accord. Bah, je reste encore un peu. Non, mais qui existe toujours. Enfin, et puis qui fait toujours. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est. Bien, mais c'est, tu vois, égocentrisme, égo je ne sais quoi. C'est des gens que j'aime bien. Ça sera toujours ça, de toute façon. Ouais, des gens que j'aime bien, des copains de près ou de loin, mais en tout cas, ouais. De toute façon, curieusement, c'est comme quand on fait de la radio, on ne passe que des trucs qu'on aime bien. Bah, c'est ouais. curieux. Mais c'est ça, voilà. Il bon, y a des gens qui prennent leur bâton de pèlerin et qui passent même des trucs qu'ils aiment pas. Hein. Gaël faisait ça des fois. Et bon, enfin, des trucs qu'il transportait pas outre mesure. Ouais. Mais en général, plutôt, ce qu'on fait ici, c'est passer des trucs qu'on aime bien. D'ailleurs, Célia, tu voulais annoncer quelque chose? Oui, je voulais passer un petit morceau de King Kong Meuf parce que elle joue demain à Clark en Louis Player Night. C'est dans le Kent? De quoi? Clark. Pardon. Je l'avais préparé. Avec Bingo Crépuscule, Chiaroscuro, Deven, Emancipating Pit. Fighting Fish et Filature. Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est trop long. Je crois que des fois ils écrivent EP2F, un truc comme ça, ouais. Tu vois. Ouais. J'aurais dû dire ça. Ça fait un petit peu, ouais, ça fait un peu société, quoi, tu vois. Bon, c'est compliqué. Et ouais, donc c'est à Clark. C'est à Clark, c'est dans le 62. Ils prennent des risques, là, à faire un concert un jeudi soir. Quoi. Mais en fait, c'était par rapport aux dates de tournée des autres groupes. Le vendredi, samedi, c'était pas dispo. Donc, ouais. Et vendredi, vendredi, EP2F et Kong Meuf passe à. Gouin, et puis et puis à Bruxelles après, je crois. C'est ça. Le samedi. Donc voilà quoi. Hein. Mais c'est on peut ça. Quand même aller voir à Clark. C'est à côté de Terouanne, donc c'est pas loin d'ici. Là. Hein. Enfin de Lille quoi. Oh. Hein? C'est encore plus près quand on est dans le Pas-de-Calais. Hein. Voilà. Ou je sais pas, ou à Hasbrook quoi, tu vois. Donc voilà, allez-y. Youpi. Attends, faut que je le retrouve parce que où est-ce qu'il est? Bah, il est là. Donc, youpi. Et donc c'est. King Kong Meuf, c'est un groupe de punk de Montreuil. Ah, Apocalypse Bébé. Je sais tout, mais Valentine est une gamine. serais pas partie trop tôt. Les grands textes. Ah, voilà, elle parlait pas dans le micro. Bah oui, c'est normal, vous écoutez Pyongyang City Rockers. Les gens parlent quand ils veulent, c'est très bien comme ça. Bravo, c'est le numéro 327. Ce soir, nous avons invité Hélène pour présenter son zine Perspective numéro 8 et demi. Mais pour l'instant, je vais vous parler. Non, je vais vous encore vous demander de dépenser votre argent. Alors, c'est pour une noble cause, c'est la défense de Cyrus, dont trois musiciens punk assimilés, accusés de terrorisme par l'État russe. Ça se passe fin août 2022 à Tiumen, une brillante cité de Sibérie occidentale. La police arrête deux militants anarchistes et découvre lors d'une perquisition ce qu'elle décrit comme un explosif artisanal. Battu, menacé de viol, torturé entre autres à l'électricité, Kirill Brick et Denis Aydin signent des aveux comme quoi ils appartiendraient à une organisation terroriste. Dans la foulée, quatre autres personnes sont arrêtées sous les mêmes accusations et soumises au même traitement. Roman Paklin, Nikita Olenik, Yura Neznamov et Danil Chertikov. Les six inculpés ont des convictions anarchistes et antifascistes et parmi les six, trois font partie de la scène punk et métal de la région de Tiumen. Le procès est encore à venir à l'heure où je vous parle. En effet, l'enquête, entre guillemets, sur cette affaire montée de toutes pièces, met du temps à aboutir. Curieux, non ? Lors d'une audience le 24 mai 2023 concernant le renouvellement de contrôle judiciaire de Kirill Brick, son avocat raconte au juge que le prévenu a reconnu l'ensemble de ce qui lui est reproché. Plus tard, on apprend que Brick a en effet conclu un accord avec le juge d'instruction. Ni les autres inculpés, ni leurs avocats ne soutiennent la position de Brick et de son avocat. Bref, il y a collecte de fonds pour aider les cinq restants. Dans leur défense, la somme à réunir équivalent en gros à 9000 euros. Il y a déjà eu pas mal d'actions de soutien un peu partout dans le monde, en Russie et ailleurs, même en France, comme des concerts, des expos, etc. Ici, je vous parle du label Tchornaya Plochad, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, qui a sorti un album numérique nommé Tiumen Case, l'affaire de Tiumen, reprenant la zik des groupes dont font partie trois des inculpés. Ça se trouve sur le bandcamp du label blackplochad.bandcamp.com. Je vais réécrire tout ça après sur le site de l'émission. Sinon, pour plus d'informations sur l'affaire et ce qu'il advient des camarades, il y a un site web en russe, tiumenskoyedelo.com, et une page en français et en anglais sur la plateforme de soutien Firefund. Je mettrai les liens, comme je viens de le dire, sur le site de l'émission. On écoute donc maintenant Rocker Balboa, le groupe d'un des accusés, donc c'est du Riot Folk, c'est comme ça qu'ils appellent le style que vous allez entendre maintenant, et le titre c'est Oskolki. Давно забыты в толпе бездушных городов порвались нити, и только чей-то крик на жизни в тяжелое дыхание. Горим, оставив на прощание. We'll be right back. C'était les Russes de Rocker Balboa avec Koskol qui... écoute, ouais, il est déjà 20h40 presque, c'est fou quand même comme le temps passe à une vitesse de fou. Ce numéro 8,5 de Perspective... Alors on a quand même toujours pas dit ce qu'il y a dedans. Enfin si, il y a des columns, comme tu dis. Comme ouais, on dit, bah, sur, des textes, voilà, de ma vie, mon œuvre. Hein, sur plutôt ce que tu penses de ce que c'est que la scène, on a déjà effleuré le sujet juste avant. Ouais. Et puis, t'as quand même fait appel à des copines et des copains. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un truc quand même comme ça, un peu sur les listes. Donc là, j'étais en décembre, voilà. Et je sais pas si ça se perd, moi je suis encore coincée, je crois, un peu là-dessus. Mais les top machins, les listes, les playlists, les... Si, voilà. Il y en a encore un peu pas mal. Il me semble, hein, quand même. Ouais. Même sur Droogies Radio, ils le font. Bon, ben bah, voilà. Mais donc, et ça m'a fait marrer de me dire, bon, quand il y a des listes, comme je l'annonce, c'est je vais t'amadouer à lire mon zine, parce qu'il y a des listes dedans, bon, c'est ma blague à moi toute seule, mais voilà. En fait, il y a même une liste de listes. Il y a une liste de listes, j'ai déliré entre guillemets, je me suis amusée sur les listes, mais aussi évidemment, en fait j'ai toujours évidemment bien aimé que les gens participent, une interview c'est facile, j'ai des gens que j'aime bien qui font quelque chose qui, voilà, mais d'autres gens que j'ai envie de faire participer, qui écrivent ou qui font, ou qui dessinent ou qui font pas de comment dire, de trucs qui justifient une interview. J'ai toujours bien aimé quoi, demander un texte, un dessin, un machin, voilà. Et donc là, je me suis dit, je demande des tops, des listes, au moins à 3 personnes, qui ont leur importance dans l'histoire de Suite et demi et machin, voilà. Et donc... Qui ont une importance dans la scène de, comment? Qui ont une importance dans la scène? Dans ma scène, ouais. Dans ta scène, ouais, tout à fait. En tout cas, ouais, si, enfin, dans ma... Ouais, dans... Je vais encore faire l'égocentrique, l'égocentré, mais dans ma vie, en fait, voilà. Ouais, mais tu as raison. Mais dans ma vie, pas ma vie de punk, en tout cas, ouais. Donc finalement, tu es revenu au punk après t'être un petit peu éloigné. J'y suis pas revenu parce qu'on le quitte pas. Ouais. Bah non, mais voilà, on fait pas ça. Ouais, ça se fait pas. Enfin, c'est pas que ça se fait pas, c'est que c'est impossible. Ouais. Donc je l'ai pas quitté. Par contre, j'ai quitté le lieu. C'est-à-dire que je suis venue à beaucoup moins de concerts, en tout cas à Lille, parce qu'en Belgique j'en ai fait beaucoup quand même, mais voilà. Ah oui, à un moment t'habitais en Belgique. Ouais, c'est pour ça. Pour ça que t'étais plus à Lille. Donc, oui, c'est pour ça. Donc pendant 6 ans j'ai fait des concerts toutes les semaines, voilà. Mais quand je suis revenue à Lille, j'ai été un peu, bon, je vais pas raconter ma vie, mais c'était un petit échaudage, un petit... une petite asocialité, je vais dire, mais n'empêche que j'ai pas quitté le, j'ai pas quitté le punk, que j'ai écouté mes disques, j'ai lu mes livres et voilà quoi. Ouais. Mais voilà, donc retour, je sais pas, c'est que ça fait du bien de lire ce, alors en fait bon, on aborde plus ou moins ce que, enfin pas avec les mêmes mots, mais ce que tu racontes dans le zine, et ça fait du bien de le lire. Pour se dire, tiens, bah, finalement, je ne suis pas tout seul. Ouais. Bah, moi, c'était ma réaction. Quoi. Non, bah, merci. Voilà. C'est ce que j'adore. Les zines que j'adore, c'est ceux qui me font ça. Donc, c'est un compliment exceptionnel que tu me fais là. Mais vraiment. Mais de rien. Bon, bah, du coup, je ne sais plus où foutre. Donc, on va passer. Voilà. Tu as préparé encore des trucs. Allez, vas-y, dis-moi. Cérémonie, ouais. Living Hell. L'un des meilleurs LP aussi. Ah ouais, je pensais que tu te souvenais, mais en fait tu lis. Non, Cérémonie, le LP, c'est Violence, mais là c'est Living Hell, mon morceau préféré de ce LP. Et l'autre, je t'ai dit quoi, Trashington DC, absolument. Kill My Boss, du très bon LP, To Live and Die in BMO, Brest Métropole Océane. C'est bien dit, allez, Cérémonie, Trashington, boum. la belle. Mais c'était quoi ce truc lo-fi superbe? C'était Oh Yes No. Encore un peu de douceur dans cette liste de punk hardcore. Ouais, j'ai déjà passé ce groupe, mais que j'avais découvert à Francfort. Et il passe. Tu l'avais déjà passé ici, je crois. J'avais déjà passé, bah ouais, c'est ça. Et en plus, c'est passé aussi dans La vie des microbes de lundi. Sur RCV, qui repassera demain matin sur Campus. Et du coup, il passe lundi au BNR, tourner avec Short Days. Ouais. Donc je voulais faire une petite pub. Short Days. Ouais. Allez les voir, c'est vraiment cool. Oh. Toujours très bien. Là, ils... Ouais. On les a encore vus dans leurs œuvres là au Black Lab l'autre jour. Ouais. Je tombe bien. Oh, j'y serai. Hein. T'y seras du lundi, bah ouais. Ouais, d'accord. Toujours tu vas du lundi. Et tu vas pas du dimanche au Watermoula? Ah bah peut-être, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Ouais. Ah, moi, vais... Si on a le temps, je passe un titre. Mais je sais pas. Ah bah si, je sais de quoi. Donc bon, allez, perspective numéro 8,5 encore disponible dans les meilleures crèmeries, Lucan Bistro, Louis Pleur. Vous pouvez y aller par exemple demain à Clark. Et puis ailleurs, mais loin, Metz, Brest. Non, Brest. Ouais, Brest, ouais. Metz. Bordeaux. Bordeaux, Toulouse. Bon, sinon, on peut te contacter pour essayer de choper un numéro ou... Ouais, donc j'ai fait un Instagram. Pardon. Afin de... C'est bien. On vient pas d'en discuter. Afin de ne pas donner ce que je faisais avant, mon adresse postale, tout ça. Ouais, bon, t'as déménagé depuis, donc ça va. Ouais, certes, mais voilà. Mon mail qui est relié à plein de... Enfin, ouais, je veux pas faire la parano, mais j'ai pas envie de divulguer. Il y a même pas mon prénom, je crois, d'ailleurs, dans ces pages. Donc, j'ai fait un Instagram qui s'appelle perspective_zine_rex. R-E-C-S. D'accord. Ah, pourquoi tu fais des disques? Parce que oui, j'ai oui. Oui. Ah oui. Parle-nous de ces disques. Il nous reste 12 minutes. En fait, comme j'avais mon zine et j'ai eu envie, c'était, je ne saurais même plus vous dire quelle année, mais peut-être 2007, eu envie de participer au LP de Strong Asten. Mm-hmm. Parmi plein, hein, c'était pas du tout moi toute seule, mais... Ouais, bah, du coup, on se met à 10 labels et puis chacun met 100. Ouais, on était moins de 10 quand même, mais peut-être, ouais, je sais plus. Mais il y en avait d'un peu partout. Et du coup, sans inspiration, j'ai dit ok, c'est Perspective Records. Quoi. Bravo. Voilà, j'avais bien joué. Tu vois. Donc, ça, et puis finalement, j'ai fait pas grand-chose, hein, mais. On a fait une compile CD avec encore d'autres labels, 4 je crois, où on s'était dit... En fait, il y avait des groupes français, 6 groupes français qui avaient chacun un 45 tours à l'époque. Et donc on s'est dit, on met ces 45 tours-là ensemble sur CD. Donc voilà, c'était toutes les phases des EP quoi, sur CD. Donc ça faisait une compile qu'on avait appelée What's Up With The Kids, qui est un titre de Limp Priest. Ah mais je l'avais ce truc-là. Je pense que j'ai dû en passer un ou deux titres dans un des derniers numéros d'Écrasant la Vermine. Ah ouais, voilà. Mais alors ça remonte, hein, oui. Donc voilà, j'ai fait ça toujours à plusieurs, hein, jamais. Et puis le truc le plus dans lequel je me suis le moins investi du monde, c'est Tekken, un groupe de Toulouse. Mmh. Alors c'est pas eux qui l'ont fait, mais c'est des copains qui ont voulu sortir leur dernier truc et qui se sont dit on prend 100 labels. Donc 100 labels français hein, en plus, enfin ils ont réussi, voilà, 100 labels. Ouais. Et donc simplement j'ai dit oui pour mettre mon nom, quoi. Enfin à peu de choses près, quoi. C'est une sortie, mais voilà. C'est bien. Par contre, donc j'en parlais plus, je suis pas, voilà. Mais finalement, ça se réveille un peu parce que j'ai des copains qui vont sortir une cassette, une discographie. Je sais pas si j'ai le droit, s'ils disent déjà quoi et tout. Donc une discographie d'un groupe de Fast, d'il y a quelques années, en vinyle et en cassette. Et ils m'ont dit, c'est un groupe que j'adorais, dont je parlais tout le temps, ils m'ont dit, t'es obligé de le faire avec nous. J'ai dit, évidemment, oui. Donc, il y aura un nouveau truc, Perspective Records. Donc, on ne dit pas le nom, mais c'est la devinette de la soirée. Ouais, ouais, c'est ceux qui me connaissent auront compris. Hein, mais... Moi, je n'ai pas compris, donc je vais te questionner après, hors antenne. Allez, il nous reste encore plus de 8 minutes. Fabuleux. Ouais. C'est royal, on va pouvoir passer au moins 10 titres là. J'ai encore des chansons ou pas là? J'ai tu quoi dans mon escarcelle? J'ai encore des chansons. Damage the Head. Ah ouais. T'as vu? Ah ouais. Attends, fabuleux ça. Et puis Beastie Boys, ouais. T'as dit Beastie Boys aussi. Ouais, là. Carrément. Et là, ils sont longs ceux-là. Il y en a un qui fait carrément 2,58. Waouh, sérieux? Ouais, j'ai quand même besoin de 3-4 minutes à la fin. Parce que ouais, mais fait. Damage Head, il est long peut-être? Je sais plus, attends, 1,39. Ouais, c'est bien ça. C'est extrêmement long, hein. Vas-y. Mais c'est quoi? Alors, c'est un groupe, je sais même plus de où ils sont, je crois qu'ils sont de Suède. Pareil, un LP qui est dans mon top machin. Et cette chanson-là, quand j'entends cette chanson, j'ai envie de refaire un groupe et de faire exactement ça. D'accord. Show. I'm Jimmy Sommer. There's a really great show last night down in downtown somewhere. The Beastie Boys played. They were great. Reagan Youth played. They were great. Bad Brains. Great, great, great. Great show. Anyway, we're going to hear something now from the Beastie Boys. This one's called Egg Raid on Mojo. They're one of New York's best. Ben voilà, hein. Boum. Pour finir avec un vieux truc. Presque finir en fait. Ouais, c'est, alors ceux qui n'ont pas reconnu. Beastie Boys, Egghead on Mojo. Avec au début quand même, moi, le truc de radio. Quoi, radio. C'est un maître le mec qui fait ça. Un bon MC. Ouais, bravo. Hein. Bon, et ben, écoute, il est 20h. Écoutons, il est 20h56 et plus même. Il va falloir rendre l'antenne parce que bientôt c'est Tick Grinder. Il y a JD qui va encore vous passer du TFN pendant une heure. Et puis après ça, il y aura B-Boy Bouillabaisse où il va nous passer du rap et du abstract hip-hop pendant une heure. Et après, peut-être. peut-être il y aura Camos qui va passer du hip-hop dans... C'est quoi déjà dans son émission, je me souviens plus. Enfin bref, vous restez sur Campus, il y a plein de bonnes émissions. Puis des fois, vous pouvez aussi écouter les autres radios libres de la métropole lilloise, Boomerang, RCV, et puis tout le bordel. C'était Pyongyang City Rockers numéro 328... 27 oui. Je lance maintenant un petit truc quand même pour dire au revoir, adieu à un copain qui est décédé ce samedi dernier. Et comme c'était un des groupes qui est bien fond de 4-2, voilà, c'est juste pour rendre hommage à Stéphane Meren, alias Stéphane Nuit et Brouillard, qui a animé de très nombreuses émissions pendant des années sur Radio Campus, qui produisait aussi du disque, donc plutôt dans une tendance Indus, Cold, Post-Punk, etc. Et puis voilà, ça fout un coup quand un copain comme ça disparaît. Salut Stéphane, c'est Front 2-4-2 avec Headhunter, la version 3.0. En attendant, on n'oublie pas. Un câble.